sentir effleurir l'endroit où on s'enterre. Tout est éphémère, gloire et réussite, on veut marquer l'histoire. De nos lives on est locataires. Tu verrais chez nous, on se croit tout permis, comme une meute de loup jusqu'au dernier sou. On survit acharné, on devrait profiter de la famille avant le départ sans retour. A découvert le jour de paix, on se fait du mal pour pouvoir briller. Du mal pour pouvoir briller. La plupart de nos rêves, le matériel, un jour on va tout laisser. On paille, on va tout laisser. Une baraque au bled avec vue sur la mer. Un jour on va tout laisser. On paille, on va tout laisser. Au fond se cache la vérité, on veut la meilleure qualité. Piloter au volant d'un bolide et prendre la route. Prendre la route. Fatalement on rêve de sommet pour finir sous le sol, on va rien laisser. On s'est perdu dans la dounia, y'a pas de quoi être jaloux. On sème le vice, on veut la miséricorde. Tout va s'effacer. Même une baraque au bled ou la plus belle des carrières. On voulait le succès, on peut pas revenir en arrière. On survit acharné, on devrait profiter de la famille avant le départ sans retour. A découvert le jour de paix, on se fait du mal pour pouvoir briller. Du mal pour pouvoir briller. La plupart de nos rêves, le matériel, un jour on va tout laisser. On paille, on va tout laisser. Une baraque au bled avec vue sur la mer. Un jour on va tout laisser. On paille, on va tout laisser. Un jour on va tout laisser. On paille, on va tout laisser. Un jour on va tout laisser. On paille, on va tout laisser. La plupart de nos rêves, le matériel. Un jour on va tout laisser. On paille, on va tout laisser. Une baraque au bled avec vue sur la mer. Un jour on va tout laisser. On paille, on va tout laisser.